host to most instrumentals. Moi je viens faire balise, lise, tous les gros balaises. Il faut du khalis, pour se mettre à l'aise. Faut que tu réalises que le rap devient khanes. T'inquiète pour les baises, même le bis il est en baisse. Même le bitch j'suis la baisse, plus le bif que les petites pièces. On sent pas les coups des fesses, on sent pas les coups ta face. Regarde fâché dans la glace, on facho on doit faire face. Serra jamais pas les gaz, mais mets les gants et fais les trembler comme la bande de Gaza. C'est le criminel réseau qui vient faire la razzia. Nous on vient pour tout raser. Trop d'MC ouvrent leur cul alors qu'ils devront rester assis et partenaires. Dans le rap français j'ai bien choisi mes partenaires. Les gens qui ont wap, represent Westside. La vie est sale, j'suis un poissard muni de ma paire de gants, j't'injecte la grande picouse. J'suis pas ton coup, j'écoute le mauvais gosse qui cause. T'inquiète pas, y'a le gun, y'a Haja, on est des gains. T'inquiète, c'est cool pour des affaires, les frères se ken. Lui c'est con, à ce qui paraît la vie est dure. Oui, elle est en train de me pin. Les frères faut se remettre dans le jean. Ma tête est partie en vrille, des envies de meurtre et de pin. Sur mon visage j'ai plus la bonne mine. Oui, frère c'est la guise. Oui, frère c'est la guise. Mon cœur est criblé de balles, comme à l'époque de mes 28 balles. À mes 18 balles, et si j'arrive chez toi, c'est pas dans un paquet devant le parc. Et je mettrai le paquet, je pète un bleu car je viendrai même pas cagouler à la main le reliquat. T'inquiète pas, y'a pas de tracas. Si je tombe, les frères se mettent en mode remorque. J'ai que le pizza Nixon. Aimez sur ma vie, aimez sur ma vie. Si tu testes mon équipe, prêt pour que mon chargeur soit vide. C'est le réseau criminel, répétez les décibels. Au-delà de contamine, avouez les décibels. Paraît-il que tu veux nous la mettre selon toi. Mais dis-moi, t'es un selon toi. Dans ton cul, en plus selon toi. Je voulais tester les figues et les pertes. Depuis que je vise, depuis que je baisse. Le 6, le Z, le R, le O. C'est le criminel réseau qui vient faire la razzia. Attention aux chats rasés, c'est le 6 et c'est 2 heures, style Jean Wipoké. Reviens nos gens sur Oise, c'est le criminel réseau. Si tu parles mal on te masse. Les vrais MC on les écrase. Les vrais MC fait faire la place. Les vrais qui bisent le Sahara. On veut toujours du rallye. Se vivre dans un grand palace. Mais y'a toujours des balances. Il faut que tu t'en lasses. Dans tes plans laisse pas de traces. Si tu veux pas qu'ils te ramassent, qu'on donnera des blasts. Sans regret sera massacré. Y'a que la mif qui est sacrée. Pour eux j'pourrais sacrifier. Que j'ai béni loi. De mon équipe méfie-toi. Dis-moi qu'est-ce tu crois. Trop est venu faire la razzia. Pour un tas comme l'amnésia. Pour les vrais pas les humbles. J'suis venu te faire mal femelle. Le rap français j'suis nul qu'elle. Les gens sur Oise, represent Oise, avec des ghost time.